le temps est long pour l'homme, parce que l'homme vit d'expectation. L'homme vit dans l'avenir, l'homme vit d'espoir, l'homme vit d'espérance. L'homme ne vit pas, n'est pas capable de vivre dans le présent de son activité. Mais avec le temps, il le peut avec plus grande facilité. Mais je peux très facilement vous assurer que plus le temps avance, plus ceux qui savent trouveront la vie sur le plan matériel pénible, mais d'un autre côté facile. Elle sera pénible parce que la conscience sera là. Elle sera pénible parce que l'homme verra facilement le truchement de la conscience expérimentale. L'homme verra facilement jusqu'à quel point il est emprisonné dans cette conscience. Mais avec le temps, l'homme verra aussi jusqu'à quel point il a réussi à se sortir de cette conscience. Et c'est là que l'homme pourra vivre de l'intelligence et de la volonté et qu'il pourra faire l'expérience d'une vie intérieure, paisible, parmi les amoncellements de la souffrance de l'humanité. Mais de même ordre, je vous assure que l'homme qui va vers cette lumière, qui va vers cette intelligence interne, devra comprendre ce que je dis lorsque je dis que l'homme doit apprendre à vivre la haine de la forme dans la conscience expérimentale qui sera vécue en lui avec le temps. Et aucun homme ne peut passer à côté de cette haine parce qu'elle est l'épée qui déchire le voile de l'espèce humaine. Le voile qui a maintenu l'espèce humaine sous la domination, sous le joug de l'âme, et aucun homme ne peut entrer dans la lumière avec son âme. Aucun homme ne peut entrer dans la lumière s'il n'a pas intégré cette énergie en lui-même, parce que c'est justement cette énergie qui lui permettra de passer de l'autre côté du voile de l'espace et du temps. Nous sommes habitués en tant qu'hommes de penser comme des hommes, de penser en relation avec l'homme, pour le bénéfice de l'homme, selon des vertus qu'impose l'homme à l'homme. Demain, nous ne pourrons plus vivre ainsi. Parce que demain, nous serons totalement incapables de réunir à la fois en soi-même ce qui a fait l'homme et ce qui l'a défait. Ce qui a fait l'homme ne sera plus pour soi-même d'aucune valeur, d'aucune importance, et nous vivrons que ce qui a défait l'homme, l'intelligence. On me dit que l'explication du phénomène de la haine cosmique contre la forme de la conscience expérimentale est la clé de voûte de la nouvelle évolution. C'est une clé de voûte qui n'a jamais été expliquée dans les textes parce que ce que l'homme doit savoir par instruction ne pouvait pas au début, auparavant, être révélé dans les livres ou dans les écoles. Mais c'est une des clés de voûte les plus importantes pour l'homme qui s'achemine vers la lumière de la terre. C'est l'épée et je sais que beaucoup se serviront mal de cette épée. Parce qu'ils n'auront pas suffisamment d'intelligence. Parce qu'ils n'auront pas compris ce que j'ai dit. Le malheur de l'homme, c'est qu'il essaie de comprendre ce que je dis. C'est le grand malheur de l'homme, même de l'homme spirituel, même de l'homme qui veut, même de l'homme qui désire. On ne peut pas comprendre ce que je dis. Ça ne se comprend pas ce que je dis. Ça se sait. Et il y a un temps pour savoir. Et entre le temps que l'on reçoit et le temps que l'on sait, nous cherchons de par toutes les façons de comprendre ce que je dis. C'est une illusion de la conscience expérimentale de l'homme. Et ceux qui essaieront de comprendre ce que je dis ne comprendront pas ce que je dis. Il faut attendre. Il faut écouter et attendre. Et c'est dans le temps, lorsque les vibrations changent, que l'on comprend ce que je dis. Mais lorsque l'on comprend ce que je dis dans ce temps-là, c'est parce que l'on sait ce que je dis. Parce que justement, l'on sait ce que l'on sait. Je ne m'adresse pas à l'homme. Je m'adresse à l'âme de l'homme. Je mets au défi l'âme de l'homme pour qu'elle réagisse au niveau de ses émotions et de son intellect. Ce n'est pas l'homme. La résonance que les hommes, que les gens ont après le séminaire, provient du contact vibratoire avec l'âme de l'homme, avec sa mémoire. C'est la mémoire de l'homme que je choque constamment, ce qui fait vibrer en lui l'âme. Et c'est ce qui amène l'homme à l'intelligence. Alors, il ne s'agit pas de comprendre ce que je dis. Lorsque vous comprendrez ce que je dis, déjà vous serez dans le passé de ce que vous comprenez. Parce que vous n'aurez plus intérêt à comprendre ce que je dis. Quand on comprend quelque chose, on n'est pas intéressé à ce que l'on comprend. C'est quand on ne comprend pas qu'on est intéressé à comprendre. Et c'est pour ça que l'on ne comprend pas. Je vous explique aujourd'hui le phénomène de la haine. Vous ne pouvez pas le comprendre. Certains peuvent, oui. Ça ne se comprend pas de la haine mentale. Ça se vit. Et lorsque ça se vit, c'est là que l'homme grandit, parce que c'est à ce moment-là que la conscience expérimentale est déchirée au niveau de l'émotion et de l'intellect, autrement dit au niveau de l'ego qui a peur de faire descendre en lui les énergies de l'âme. Parce qu'effectivement, l'ego a peur de faire descendre en lui les énergies de l'âme. Moi, je vous explique la mécanique de l'âme. Inutile d'aller dans la philosophie de l'âme, c'est de la merde. Mais la mécanique de l'âme, c'est ça que je vous explique. Et l'ego craint, tremble devant cette descente de l'énergie de l'âme, devant cette intégration. Regardez vos expériences, surtout dans le domaine des proches, dans le domaine de ceux que vous avez aimés, dans le domaine de ceux qui vous ont rendu service. Dans le domaine de ceux qui vous ont côtoyé pendant des années. Dans vos relations avec le bon monde. C'est là que l'homme a peur. Parce que tous les hommes vivent dans la crainte. Et si j'invoque aujourd'hui d'instruire dans le domaine de la haine, c'est un très grand pas en avant dans l'instruction. mais je vous avertis de ne pas essayer de comprendre ce que je vous ai dit. Attendez. Vous comprendrez dans le temps. Lorsque je dis que l'on ne peut pas être intelligent sans haïr, je veux dire quelque chose d'essentiel. C'est impossible d'être intelligent sans haïr. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parlez-vous. On vous le dira. On vous l'expliquera. Et vous comprendrez à votre échelle ce que je veux dire. Par vous-même. Vous ne pourrez pas dire que c'est Bernard qui l'a dit. Mais vous pourrez dire que c'est Bernard qui l'a dit le premier. Mais méfiez-vous d'haïr par vous-même. Méfiez-vous d'haïr par vous-même. D'ailleurs, tout ce que je vous le dis toujours pour demain. Toujours. Je vous parle toujours un peu d'avance. Mais j'en sais qu'ils font des pirouettes avant le temps. Le cirque commence toujours avant le starting point. Et laissez-moi vous dire que dans le cirque, ce ne sont pas seulement des chevaux, mais il y a beaucoup de chameaux. Soyez patient dans ce que je vous dis. Soyez patient avec ce que je vous dis. Ne l'accaparez pas ce que je vous dis. Mais vous saurez un jour le reconnaître et à ce moment-là, vous saurez ce que je vous ai dit. Et vous comprendrez par le fait même des choses qui ne se comprennent pas à l'intérieur de la conscience expérimentale. Si l'homme voyait comment la vie matérielle est dominée des mondes invisibles, il mourrait. Il vivrait une dépression telle qu'il n'aurait jamais le pouvoir de s'en sortir. D'ailleurs, c'est pour ça que, à la fin du cycle, lorsque les êtres qui évoluent dans la lumière des planètes ou dans la lumière de la galaxie, que ces êtres viendront sur le plan matériel dans un instantané, l'humanité sera frissonnante d'effroi. L'homme doit, un jour, ne plus vivre dans le mystère de lui-même. Et pour qu'il ne vive plus dans le mystère de lui-même, pour qu'il soit plein de lui-même, il faut qu'il soit en dehors de cette conscience maudite qui est la conscience expérimentale. Pourquoi la mort sur la terre est certaine parce que l'homme est dominé par la mémoire de l'âme. C'est l'âme qui retire une personne du plan matériel. C'est l'âme. Parce qu'elle a eu son expérience. Les ponts sont coupés. C'est facile de faire mourir quelqu'un. Ne meurt pas qui veut quand il veut. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire dernièrement du type qui a tombé de 20 étages aux États-Unis. Il est tombé de 20 étages sur le palier en ciment. Il s'est relevé et a continué sa job. Ne meurt pas qui veut. Il y en a qui tombent de leur chaise et se tuent. Nous sommes des cons. C'est pour ça que je dis, nous avons été enculés à la conférence de vendredi. Nous devions l'être. C'était nécessaire. Mais assez, c'est assez. Je vous souhaite énormément de courage lorsque je cesserai les rencontres. Parce que vivre seul, ça peut être difficile jusqu'à temps qu'on soit intégré, intelligent. Méfiez-vous de ce que vous avez appris. Parce que rien de ce que vous avez appris tiendra devant votre intelligence demain. Rien. Absolument rien. Même pas le concept de Dieu. Même pas le concept du Christ. Rien. Et quand je dis rien, je dis rien. Tout ce qui vous attache aujourd'hui vous sera enlevé, tout. Il n'y a aucun fondement de la conscience expérimentale qui pourra vous servir ou vous soutenir dans votre acheminement vers la lumière de la Terre. Il est justement là le jeu. Il est là le point. L'homme pense à une progression spirituelle. Vers la lumière. La lumière de l'astral, ce n'est pas la lumière de la Terre. Même si vous avez des états mystiques. Ah, il y a quelque chose d'intéressant, je vais vous dire. Les êtres qui ont eu des expériences mystiques, qui ont vu la lumière, les illuminés, les Westinghouse, ne réalisent pas que la lumière qu'ils voient ou ne réalisent pas que dans la lumière où ils sont, il n'y a aucune intelligence, il n'y a que de la mémoire. Il y a deux sortes de lumière dans le cosmos. Deux sortes. La première sorte qui est la plus connue, qui est la lumière sans intelligence. Et la deuxième sorte que l'homme connaîtra, c'est la lumière qui est intelligente. Qui est intelligence. De sorte. Et ceux qui vont dans l'astral et qui voient la lumière, ne voient pas la lumière dont je parle. Ils voient la lumière de l'âme. Et c'est cette lumière de l'âme, cette énergie, qui doit être intégrée dans les principes inférieurs pour que l'homme ait accès à l'autre lumière. L'autre, que personne n'a vu, que personne ne connaît. Parce qu'elle est intelligence. Alors, si vous allez en astral ou que vous rêvez ou que vous ayez des illuminations, demandez à ce que vous voyez d'où elle vient et vous verrez qu'elle ne vient pas d'où je viens. C'est pourquoi il faut mourir dans la conscience expérimentale pour connaître l'intelligence de la lumière. Non pas seulement la lumière, tout est lumière dans le cosmos. Du moment que vous sortez du plan matériel, même le plan matériel est lumière. Tous les êtres, votre corps matériel irradie une lumière, les autres plans de votre personnalité irradie une lumière, votre émotionnel, votre mental irradie une lumière. Tout est lumière dans le cosmos. Mais aussitôt que les gens voient de la lumière, ils tombent en panne. Ils ont vu la lumière. Imagine-toi donc. On est des yo-yo. La différence entre la lumière de l'âme et l'intelligence de la lumière est celle-ci. L'intelligence de l'âme c'est sa façon de rapporter à l'homme la mémoire de l'expérience totale. Plus l'expérience est grande, plus la lumière est grande. Mais ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence de l'âme n'est pas de l'intelligence, c'est de la mémoire. Comprenez-vous la différence entre de la mémoire et de l'intelligence? L'intelligence de l'âme, c'est de la mémoire. Plus l'âme est évoluée, plus elle a de mémoire, plus elle a d'intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas ça. L'intelligence est infinie. Ça n'appartient pas à l'âme. Ça n'appartient pas à l'ego. L'intelligence, ça ne se mesure pas. C'est un instantané. L'intelligence, ça ne se situe nulle part dans l'univers. L'intelligence, ça n'a aucun point d'origine. L'intelligence est partout à la fois. Et les êtres qu'on appelle des ajusteurs de pensée font partie de cette intelligence. Et leur seule fonction en relation avec l'homme, c'est de faire vibrer cette énergie en lui qu'on appelle de l'intelligence. Alors même les ajusteurs de pensée ne sont pas intelligence. Ils sont les manipulateurs de l'énergie de l'intelligence. L'intelligence, c'est partout. Dans la matière, dans la plante, dans l'animal, dans l'homme, dans le surhomme, dans tout. Dans la tombe. L'intelligence, ça ne se discute pas. Et l'intelligence, ça ne se vit que lorsqu'on est en dehors, plus ou moins, de la conscience expérimentale. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça n'a pas de limite d'intelligence. Et lorsque l'homme passe du plan de l'intelligence à un autre plan, il passe à une autre action, parce que l'intelligence est une action. Ça peut être à l'action de l'amour ou ça peut être à l'action de la volonté. Dans la lumière de la terre, il passe à l'action de l'amour. Sur le plan matériel, il passe à l'action de l'intelligence et de la volonté. Mais nous avons cette maudite soif de l'intelligence. Ça fait partie de notre conscience expérimentale. Nous avons toujours soif. Soif de quoi? Soif de ce que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la conscience expérimentale. La soif fait partie de la conscience expérimentale. Tout en nous fait partie de la conscience expérimentale. Tout en nous fait partie du fait que l'on est sous le joug, sous la domination de la mémoire de l'âme. Tout. Il n'y a pas un mouvement de l'homme qui n'est pas relié à la mémoire de l'âme. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Pour décourager surtout ceux qui veulent évoluer et qui ne veulent pas manquer le train. Si vous avez à manquer le train, vous manquez anyway. Puis vous ne manquerez pas anyway. Parce que le train repasse. Le point n'est pas là. Le point est que l'homme doit apprendre petit à petit ce que celui qui n'est pas un homme lui indique pour qu'il comprenne intégralement, parfaitement, ce que doit être l'homme. Parce que celui qui n'est pas un homme n'est pas intéressé à l'homme. Celui qui n'est pas homme n'est pas intéressé à l'homme. Il n'a aucune affinité avec l'homme. Il n'a aucun besoin de l'homme. Il est libre. Et c'est justement parce qu'il est libre qu'il est capable d'aider l'homme à devenir lui-même libre. Mais l'homme s'attache. Et l'homme ne doit pas s'attacher. L'homme s'attache à celui qui n'est pas un homme. Et il doit apprendre à ne pas s'attacher. Il doit vivre sa vie selon son rythme d'évolution, selon ses expériences. Mais toujours en sachant que ce que lui dit celui qui n'est pas un homme fait partie de l'intelligence. Ne fait pas partie de lui en tant que personnalité, mais fait partie de l'intelligence. Et l'intelligence n'est pas Bernard de Montréal. Nous ne sommes pas Bernard de Montréal. Bernard de Montréal n'est qu'un support matériel pour le mouvement de notre énergie. Nous ne sommes pas dans le monde de votre planète. Nous sommes en dehors de votre planète. Nous exécutons simplement l'énergie de la loi de la lumière parce que nous sommes lumière. Nous instruisons l'homme parce que le temps est venu pour que l'homme sache que tout ce qui doit être développé dans l'avenir de l'humanité doit être conforme à l'intelligence dont nous représentons dans les mondes le tandem et l'apostrophe. Nous n'avons pour l'homme aucun bon plaisir. Parce que l'homme n'est pas encore ce qu'il doit être. Nous aurons pour l'homme le bon plaisir lorsqu'il sera dans l'intelligence que nous sommes, c'est-à-dire lorsqu'il aura compris que ce que nous sommes n'intervient pas dans la nature humaine. Ce que nous sommes n'intervient que dans la nature qui permet à l'homme de s'intégrer parfaitement à lui-même, c'est-à-dire à cette partie de lui-même qui est intelligence et qui est liée à nous, parce que nous sommes liés à tous les hommes, comme nous sommes liés à tous les atomes de l'univers. Nous appartenons à l'univers et nous instruisons constamment l'univers dans la forme de la matière de l'intelligence qui pénètre dans les atomes de l'esprit. Et ce sont les atomes de l'esprit qui reflètent en nous et en vous toute la capacité de ce que vous appelez Dieu. Parce qu'un jour, vous comprendrez ce que Dieu est. Et lorsque vous comprendrez ce que Dieu est, vous réaliserez que Bernard de Montréal n'est pas ce que vous pensez. Et même si nous faisons faire des erreurs à Bernard de Montréal, c'est pour créer en vous l'impression que nous faisons des erreurs, mais nous ne faisons jamais d'erreurs, parce que si nous faisions des erreurs, nous ne serions pas capables de faire autrement que ce que nous faisons. Nous créons en vous constamment des impressions pour enligner votre esprit à la matière de l'intelligence de l'esprit, afin que vous puissiez avec le jour comprendre que nous sommes en dehors du temps et qu'avec le jour vous comprendrez que nous sommes aussi vos amis. Mais des amis que vous ne pouvez pas aujourd'hui réaliser parce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'intelligence. Et lorsque vous serez dans l'intelligence, vous comprendrez que Bernard de Montréal est un grand ami de l'âme. On prend un break. On continue. On continue encore. Vous n'avez de la jasette, ma foi. Il y a un phénomène intéressant qui se vit chez l'homme. Les âmes, ça fonctionne un peu comme des aimants. Alors, si vous avez deux êtres ensemble, vous avez deux âmes. Et pardon. Une âme peut influencer une autre âme. C'est-à-dire qu'une âme peut influencer un homme au niveau de son émotion, de son intelligence, au niveau de sa mémoire. Donc, si vous avez deux âmes ici, leur rapport avec les individus peuvent influencer l'un et l'autre. Parce que les âmes sont comme des aimants, c'est-à-dire que les âmes essaient toujours de s'entrecroiser dans l'expérience humaine. Exemple, si un homme a une âme, une âme évoluée, puis si une personne a une âme qui n'est pas évoluée, l'âme qui n'est pas évoluée essaiera par la personnalité d'influencer l'âme qui est évoluée, ou la personne. Et l'âme qui est évoluée essaiera d'influencer à travers la personnalité l'autre personne. Et il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, si les âmes influencent, si deux âmes peuvent influencer le comportement humain. Ça, c'est une très bonne question. C'est pas seulement l'âme d'une autre personne qui peut influencer le comportement humain d'une personne, c'est votre âme aussi. C'est pour ça que dans l'expérience de l'homme vers la lumière de la terre, il doit en arriver à pouvoir détruire la mémoire de son âme, et une fois qu'il a été capable de détruire la mémoire de son âme, il n'est plus influencé par la mémoire des âmes des autres. Comprenez-vous, vous dites? Tant que tu es prisonnier de ton âme, tu peux être prisonnier de l'âme ou tu peux être influencé par l'âme d'une autre personne. Mais si tu n'es plus influencé par ton âme, parce que tu as intégré son énergie dans tes principes inférieurs, tu ne peux plus être influencé par la mémoire d'une autre personne ou l'âme d'une autre personne, que ce soit sur le plan matériel ou ces autres plans. Parce que déjà, l'homme à ce moment-là est devenu totalement centrique, c'est-à-dire qu'il est entré dans son intelligence. Alors, s'il est dans son intelligence, il ne peut pas être influencé par son âme, par sa propre mémoire, et automatiquement, il ne peut pas être influencé par l'âme ou la mémoire d'une autre personne. Mais il s'agit que l'homme soit dans sa propre intelligence pour ça. Alors, je réponds à une question qu'une personne m'a demandé tout à l'heure. Comme l'homme est inconscient, autrement dit, comme l'homme n'est pas dans son intelligence, il ne peut pas, avec facilité, réaliser l'influence du passé et du futur dans sa vie. Et il ne s'aperçoit pas que le passé dans sa vie et le futur dans sa vie fait partie de l'énergie de l'âme. Il n'y a pas de futur, puis il n'y a pas de passé dans l'intelligence. L'intelligence, c'est dans l'instant. Il n'y a pas de temps dans l'intelligence. Quand un homme est dans l'intelligence, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas demain, puis il n'y a pas hier. Mais quand l'homme est dans la mémoire, quand l'âme l'influence vibratoirement, il y a pour lui de l'avenir ou du passé. Et il se produit un phénomène intéressant dans le cadre de la conscience expérimentale humaine. C'est que lorsque l'homme vit dans le passé ou dans l'avenir, il ne vit pas selon les lois de l'intelligence, mais il vit automatiquement selon les lois de l'âme. Aussitôt que vous êtes dans le passé, vous êtes dans les lois de l'âme. Vous êtes sous l'emprise de l'âme. Aussitôt que vous êtes dans l'avenir, vous êtes sous l'emprise de l'âme. C'est pour ça que lorsque l'on rentre dans la conscience universelle, on ne peut plus planifier notre vie. Ça devient impossible de planifier notre vie. On peut faire des mouvements pour organiser notre vie, mais on ne peut plus la planifier. Parce que notre vie n'est plus déterminée par la fonction de l'âme en nous, mais elle est déterminée par l'intelligence active en nous. Je vous donne un exemple. Moi, je suis déjà allé à l'aéroport pour aller à Vancouver, puis rentré à l'aéroport, ils m'ont dit, c'est pas là, je m'en allais là, c'est en Floride. Puis quand je suis arrivé à l'aéroport pour acheter mon ticket, ils sont obligés de créer une forme pour te donner l'énergie d'un mouvement, ben. Mais quand je suis arrivé au guichet, là, je viens pour acheter mon ticket pour aller à Vancouver, puis là, ils me bloquent. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils me laissent savoir que c'est peut-être pas à Vancouver que je m'en vais. Peut-être que c'est une autre place. Fait que j'ai dit, mais moi, grillez-vous le cul, l'avion s'en va, il ne sera pas long. Disons, on sait quand est-ce que ça s'en va, c'est tout. Finalement, j'ai dit, quelle place que je m'en vais? Ils ont dit, en Floride. Fait que j'ai acheté un autre ticket pour aller en Floride. Tu ne peux pas planifier. Ils peuvent te donner une forme pour te faire avancer, sans dire que tu resteras chez vous, tu n'entreras jamais dans l'avion. Mais tu ne peux pas planifier. Tu peux t'organiser d'avance. Mais tu ne peux pas planifier. Il y a une différence entre s'organiser d'avance et planifier. S'organiser d'avance, c'est agir avec l'intelligence qu'on a, qui nous donne, nous autres. Tandis que planifier, c'est agir avec nos sentiments. C'est pour ça que les gens souvent planifient, puis s'aperçoivent qu'ils ont raté leur planification. Parce que quand tu es dans l'instantané, souvent tu as des mouvements qui sont plus intéressants que tu aurais pu découvrir si tu avais planifié. Alors, plus on rentre dans l'intelligence, moins on est capable de fonctionner en relation avec l'avenir puis le passé. On fonctionne en relation avec le présent. Puis c'est vibratoire. C'est éventuellement, on n'est plus capable. On n'est plus capable. C'est comme si on n'est plus capable d'aller, de faire quelques pas en arrière puis qu'on n'est plus capable de faire quelques pas en avant. Fait qu'on est toujours dans le moment, dans l'instant même. Puis pour l'homme, c'est bien fatigant, ça. Parce que c'est plate. Vivre dans l'instant même, c'est plate parce que souvent, ils vont couper l'énergie de l'homme et automatiquement, bon, ben, t'as rien à faire, t'es planté comme un piquet au centre de la rue ou chez vous. T'as l'air d'un beau yo-yo. Mais ils font exprès pour faire ça, pour te déastraliser. Autrement dit, pour briser encore le pouvoir de l'âme sur l'homme. Fait que quand vous êtes chez vous, vous voulez faire quelque chose, vous n'êtes pas capable de vous tourner en rond. C'est l'ajusteur de pensée qui vous rend conscient de ça, de cette incapacité-là, pour détruire en vous l'astralité, autrement dit, détruire en vous le pouvoir de l'âme sur vos corps, sur votre émotion ou sur votre intellect. Fait qu'automatiquement, votre ego réagit et il trouve sa place. Il se trouve niaiseux. Puis ça peut durer un certain nombre d'années, même c'est tapanage avec eux autres. Puis éventuellement, ça se tasse. Ça, c'est un autre à côté que je voulais faire. Pour répondre à des questions que les gens me demandent. Alors, j'expliquais que au cours de l'évolution, les âmes sont parties d'un stage de très grande pureté, autrement dit, d'un stage où ils n'avaient aucune expérience. Et avec les temps, les âmes ont accumulé énormément d'expérience, et nous avons aujourd'hui l'âme moderne. Mais dans l'avenir, lorsque l'âme n'aura plus de pouvoir sur l'homme parce que son énergie aura été intégrée, qu'est-ce qui se produira au niveau de l'expérience? Il se produira absolument rien. Parce qu'un homme qui est conscient ne vit plus d'expérience. Il n'y a plus besoin d'expérience. Et ne plus avoir besoin d'expérience, c'est être intelligent. Quand tu es intelligent, tu n'as pas besoin d'expérience. Le mot le dit. Si une personne a besoin d'expérience, c'est parce qu'il y a un manque d'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as plus besoin d'expérience. Alors, l'homme qui s'en va vers la lumière de la terre n'aura pas besoin d'expérience parce qu'il sera dans l'intelligence. Autrement dit, tout ce qu'il fera sera parfait. Et automatiquement, ça va avoir une très, très grande influence, ça, sur la nature des planètes. Les planètes dans la galaxie, parlons des planètes dans notre système solaire. Les planètes dans notre système solaire ont une grande influence sur l'homme. Parce que les planètes sont des réservoirs d'énergie qui servent à irradier les plans de l'homme, à créer une vibration dans les plans de l'homme. Et ces planètes-là sont faites, construites, sont de l'esprit, elles sont de l'esprit. Mais elles sont de l'esprit qui n'est pas dominé par l'intelligence. Elles sont ce qu'on appelle de l'esprit institué pour le bénéfice de l'homme. Les planètes sont de l'esprit institué pour le bénéfice de l'homme, c'est-à-dire que les planètes ont des vibrations, déchire dans le fil, les planètes ont des vibrations qui permettent à l'homme de subir quand il est inconscient la présence de l'âme en lui.